Hi. Do you hear me? Tu es en train de chanter ces chiens chez Samson et jouer avec ça. Chanson ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Stop my metropole. Gentaba. Gentaba. Ojo. Mm.